gloire et de splendeur, Seigneur de ma vie. Le pain vivant qui descend du ciel pour nous donner la vie. Tu remplis tout l'univers, tu n'accomplis que des merveilles, à toi l'honneur. Tu parlais de la vie que tu étais, tout l'amour de ton cœur tu déposes en moi, Seigneur, pour que je t'adore. Premier-né d'entre les morts, Jésus le pain, hein, qui donne la vie. Et du fond de mon cœur, j'entends vanter, Seigneur, car tu es le thème de mes instants, de tous les jours. Et du fond de mon cœur, j'entends monter, Seigneur.